On va commencer avec la première pièce de ton travail, Caroline. Puis j'aimerais ça que... Parce que là, dans le fond, ce que tu nous proposes, c'est de l'art sonore, mais en même temps, il y a des textes derrière ça, puis on va en parler. Alors, présente-nous la première pièce qu'on va entendre, mais le texte, surtout le petit texte poétique que tu as créé pour soutenir cette pièce-là. La première pièce, c'est « Repas surgelé ». J'ai vraiment travaillé beaucoup la texture sonore des repas surgelés. J'ai fait le même processus pour une performance de Flora Coleman, qui était en résidence à Avatar, justement. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le bruit des pommes de terre pilées, un peu molles, avec de la sauce un peu louche, puis de la viande méconnaissable. Puis il y a comme une progression de deux sortes de repas surgelés, qu'à la fin, la texture devient... Les deux textures deviennent une à la fin. Fait que j'ai travaillé sur... on pourrait dire ce qui est intéressant, c'est que d'une part, le processus a fait beaucoup partie de ce travail-là. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup senti les odeurs pendant que j'étais dans le laboratoire Avatar. Puis ce qu'il reste justement de ce résultat-là, de ces expérimentations sonores-là, ça devient un peu pour la personne qui l'écoute... une espèce de disparition de l'odeur, mais je dirais qu'il faut aller la chercher à travers la poésie. C'est pour ça que j'ai... Donc, l'odeur est toujours présente à travers les lignes, à travers les sons qu'on entend. Oui, c'est ça exactement. J'essaie de le transmettre de manière poétique à travers l'écrit. Hein. Alors, ça donne quoi comme première pièce? Ça donne « Chair putréfiée, lambeaux, problèmes vaginaux, dans ma bouche, un parasite gastrique, des frites, inquiétude, paresse, 10 heures du soir. » Alane, c'est très fin hein, comme écoute. Là, ce sont des tout petits sons. C'est vraiment un disque qu'il faut écouter quasiment avec un casque d'écoute. Oui, je pense que ça dépend des pièces. Justement, Repas surgelé, c'est vraiment une pièce avec des sons très subtils. Puis ce qui est intéressant aussi, quand j'étais dans les studios d'Avatar, il y avait deux micros. Puis Meriel, il m'a laissé le choix. Il m'a dit, selon les pièces, tu peux choisir quel micro tu veux, petit diaphragme, plus moyen diaphragme. Puis certaines pièces que j'ai choisies, le petit, celui-là, j'ai pris le moyen parce que il captait beaucoup plus de subtilité dans le, mm-hmm. dans le son. Ceux qui étaient un peu plus intenses, des sonorités plus fortes, je pouvais aller prendre celui avec le petit diaphragme parce que ça enlevait les bruits ambiants. Fait que j'ai vraiment eu un choix difficile à choisir quel était le meilleur micro selon les sons que je captais. Donc quelque part, Avatar t'a aidé à réaliser ton projet, parce que, tu sais, je pense que t'arrivais là, puis t'avais comme le support, je pense, de Myria, et puis peut-être de d'autres aussi, là. Oui, ben en fait, beaucoup Simon Paradis-Dionne, mm-hmm. Qui m'a aidé pour le mastering, aussi, il a mis des... en fait, le matrissage, il a aussi enlevé les sons ambiants, il m'a beaucoup aidé pour chercher qu'est-ce que je voulais dans le son, ce qui n'était pas toujours facile, parce que, disons... dans la musique, il y a vraiment des standards, des références, mais quand c'est des sons plus abstraits, mm-hmm. avec la nourriture, tout ça, il n'y a pas de standard. C'est moi qui c'est moi qui décide un peu qu'est-ce que je peux faire. Étais-tu habitué, toi, à travailler avec le son? C'était la première fois que tu expérimentais cette pratique-là? Ben, en fait, je dirais, ben, pour mes films d'animation, je mm-hmm. travaille le son. Beaucoup plus le montage, puis aussi plus avec la voix. J'avais fait un film d'animation, Papi Pong Peng, j'avais fait des enregistrements avec mon frère. J'avais utilisé sa voix, je l'ai transformée dans le film, mais disons de manière avec des objets, puis de vraiment des compositions, je dirais que c'est l'œuvre à laquelle je me suis le plus investi. Mm-hmm. Là, on s'en va vers une autre œuvre qui s'appelle Odeur sonore, Ananas. Oui. Parle-nous de ce le son de l'ananas. C'est quand même pas facile de percevoir le son de l'ananas. Non, ben en fait, pour ce son-là, c'est le son de friction avec une éponge à vaisselle pour écurer la vaisselle qui était sur la texture de l'ananas. Puis ce qu'on n'entend pas non plus, c'est qu'en fait, il y a trois fruits. Il y a aussi le melon miel, puis il y a la noix de coco. Parce qu'ils ont toutes une espèce de texture différente à l'extérieur avec le frottement. J'ai vraiment... je pense que côté richesse sonore, de texture de frottement, c'est la plus riche. Puis celle dont que j'adore beaucoup aussi. Mais ce que je comprends, c'est que c'est pas l'ananas qui crée un son, c'est toi qui frotte l'ananas, qui frotte tes fruits quelque part, et c'est le frottement de tout ça qui crée un son. Oui, exactement. C'est comme une action qui crée un son, mais en même temps qui évoque pour moi une odeur. Mais en même temps, est-ce que toi, tu poses le geste de frotter, mettons, ton ananas, et en même temps, t'as le micro de l'autre main? Comment ça se passe? Ah, ben en fait, j'avais deux pieds de micro. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y avait différents objets, je les ajustais parce que des fois, il y avait des plus petits objets, des fois des plus gros, d'autres fois très liquides aussi, fait que je voulais pas briser les micros. Mm-hmm. C'est ça, en fait, selon le type d'action et le type d'objet, je m'ajustais en conséquence. Ben, on va écouter ce que ça donne pour... Ananas Pineapple. Parfait. Qui sont des titres toujours bilingues en passant, mais on y reviendra. Alors voici Ananas Pineapple. C'est très fin comme travail, hein? Oui, oui. Et ça, tu étais toujours toute seule pour faire ça? Avais-tu de l'aide? Tu parlais de Myriol tout à l'heure. Est-ce que tu étais toujours toute seule pour faire ça? Tu étais dans ton atelier ou je sais pas trop où? Je dirais que j'avais passé un avant-midi pour faire ça, mais finalement, ça m'a pris toute la journée. Mais Myriol, il m'a aidé pour préparer le setup de base pour faire tous les enregistrements sonores. Mais je dirais que j'ai fait les actions seules. Dans le fond, je pesais sur play. Après, genre, je faisais mes manœuvres de son, tout ça. Donc, tu étais chez Avatar? Oui, oui, c'est ça. OK. Puis tu avais ton anana, tu avais ces objets-là là, dont il est question sur ton disque, oui? Oui, oui, oui, j'avais tout. J'avais fait une grosse épicerie, j'avais acheté tout le matériel. J'étais vraiment prête pour une journée d'enregistrement avec toute ma préparation, dans le fond. Oui, Jean-Pierre. Oui, vas-y. Caroline, dis-moi, t'as une pratique artistique qui est tout de même assez diversifiée, je dirais même multidisciplinaire, dont le cinéma d'animation, l'art audio, l'estampe, le dessin, bref, t'as un site qui est assez riche d'ailleurs à cet égard-là. Puis je voulais savoir quel était le fil conducteur de ta démarche d'artiste quand on regarde toutes ces occupations. Ah ben c'est vraiment super comme question parce que actuellement je commence ma maîtrise puis justement ce qui m'est venu comme la posture de frivolité, c'est vraiment quelque chose qui me met en lien avec toutes ces pratiques là. Je dirais que le cinéma d'animation en quelque soit est un peu carnivore dans le sens qu'il vient manger un peu tous ces arts là. Mais aussi, j'aime bien le fait que ça soit, disons, dans le processus créatif que je viens chercher tout ça. Puis à la fin, même s'il y a un résultat, disons que par mon attitude frivole, ça devient comme éclaté. Puis, ça fait deux fois que tu parles de frivolité, dans le fond. C'est comme si... t'es à la maîtrise en même temps, là. C'est quand même assez particulier que quelqu'un parle de sa maîtrise qui porte sur la frivolité, parce que dans le fond, la frivolité, ça semble être au cœur de ton travail. Puis c'est pas sérieux. Il y a quelque chose qui est pas sérieux dans la frivolité. Puis t'es quand même rendu à la maîtrise. comment tu concilies ces deux affaires-là? C'est une bonne question, en fait. Mais je pense que c'est... J'essaie justement de décortiquer tout le processus, par exemple en animation, tout ce qui est la standardisation du domaine, ce qu'on utilise habituellement, ou même en art audio, il y a comme certains standards qu'on respecte, puis j'essaie justement d'avoir un regard détaché de tout ça, de dire je m'approprie certaines choses, puis à la fin, si justement ça devient un peu déconstruit ou un peu décortiqué, je me l'approprie quand même si ça à la fin on pourrait dire c'est pas vraiment ça manque de sérieux justement. Donc tu refuses rien. Non, c'est ça. T'es ouverte à tout. Parlant de rien, la prochaine s'appelle Inde. C'est pas banal, l'Inde. Pourquoi un titre comme celui-là? En fait, je pense que ça vient du fait d'un objet qui a été trouvé qui m'a vraiment fascinée. C'est le tabla. OK, oui. Qui est un objet indien. Puis ça a fait en sorte que ça a créé une pièce plus musicale, je dirais, que les autres avec... Plus percussive aussi. Oui, c'est ça, plus percussive aussi, qui est moins avec la nourriture aussi. Il y en a, mais à une manière presque anecdotique parce que le tabla prend beaucoup de place. Mais c'est vraiment comme, je dirais, l'amour de cet objet-là qui a fait... Tant mieux. Alors, on va l'écouter en guettant Inde, India. Ça se passait comment, ça, cet enregistrement-là? Ça n'a pas l'air d'un instrument de musique. On dirait comme un fond de canne, je ne sais pas trop quoi. Mais en fait, c'était le tabla, mais il n'y avait pas la peau du dessus, fait qu'il était vide. Puis avec des fruits séchés, j'ai attaché une corde, puis je me suis amusée à les faire tourner à l'intérieur. Ça faisait vraiment une belle musique. Donc, il y avait quelque chose d'alimentaire aussi à travers ça. Oui, tu avais ouais. des petits fruits. Là, même si tu as voulu mettre ça de côté, finalement, ça, il était encore présent dans ton projet. Oui, dans ce projet-là, en tout cas. Oui, ouais. Exactement. Hey, on s'en va vers une pièce qui s'appelle Œuf. Et ça, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Comment c'est venu, cette idée de... Parce que, tu sais, faire jouer un œuf, on a un peu une certaine idée de la sonorité d'un œuf qui cuit. Là. Remarque que dans la poêle, c'est une chose, dans l'eau bouillante, c'est autre chose. Là. Mais qu'est-ce que c'est que tu as voulu montrer avec cette œuvre-là? En fait, œuf, c'est vraiment comme l'étirement dans le temps de plusieurs œufs qui se font décoquiller. Puis c'est vraiment une texture que j'aime vraiment beaucoup, comme le mou puis le dur en même temps, qui frotte sur une surface, puis tu sais, dans le fond, qui crée vraiment une texture particulière. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a peut-être, je pense, 6 en tout. Puis dans l'ensemble, ça donne l'impression qu'il y a juste un œuf, mais qui dure tellement longtemps. Mm-hmm. Il y a quelque chose d'organique, puis de, je dirais même de sensuel dans ton travail. Tu sais, tu parles de la texture de l'œuf, de cette espèce de liquidité, puis de la dureté en même temps. Et ça paraît peut-être pas autant qu'on le pense de façon sonore, mais ça me semble important dans ce que tu nous dis. Oui. Oui, ben au départ, je voulais travailler sur les sons désagréables, les odeurs désagréables, puis je me suis dit en le faisant que c'était plus quelque chose d'agréable pour moi. Puis justement, je me suis amusée avec les textures, les aliments, tout ce que j'aimais comme son, texture, fait que ça a été comme une motivation justement à travailler sur ces odeurs-là puis ces sons-là. Mais c'est la première fois que tu travaillais de cette façon-là des choses organiques. C'est la première fois que tu travaillais sur cette matière-là? Oui. Ouais, c'est mon premier projet comme ça que j'ai travaillé. Parce qu'habituellement, Gaëtan en parlait, t'es plus quelqu'un qui est tourné vers le cinéma d'animation. Oui. C'est comme une espèce d'excursion à l'extérieur de ton parcours habituel que de faire cette incursion, je dirais, dans le milieu de l'art sonore? En fait, je pense que ça finit tous par se relier. Puis j'ai toujours eu cette fascination-là pour l'odeur. Je voulais justement le mettre en valeur, le son, puis cette publication-là, ça m'a permis justement de travailler cet aspect-là. Puis y aller aussi à l'envers, parce qu'habituellement, je fais justement toujours un film, puis après le son. Mm-hmm. Là, je voulais faire le son, puis vraiment me concentrer comme œuvre autonome. Et après, ça va donner un film d'animation. On s'en parlait l'autre jour. Donc, c'est comme la première fois où le son va être à l'origine d'un film, et non pas le contraire. Oui, ben dans mon cas... Dans ce cas-là, ça va être ça. Là, parce ouais, que, exactement. Parce qu'habituellement, c'est le film qui détermine à un moment donné le type de son que tu vas faire, tandis que là, tu pars avec une matière qui est ton son, ouais. Puis ça va se traduire en... Puis il y a un aspect visuel assez intéressant aussi dans ton travail, ce qui fait que quelque part, tu dois commencer à avoir des images sur ce que tu vas produire comme film. Oui, j'ai beaucoup d'images. En fait, je voulais justement tellement m'axer sur juste le son, les images mentales, disons, dans l'écriture, et les odeurs. Je voulais évacuer l'aspect image parce que c'était quelque chose que je voulais faire après, mais finalement, c'est toujours un peu... ça revient toujours de manière naturelle. Mais disons, pour le projet, je commence à faire l'exploration. Je sais pas si ça va être en image de synthèse ou en marionnette. Tu sais, je me mets pas de limite pour l'instant. Tu travailles avec Fred Lebrasseur, des fois? Oui, actuellement, je suis en train de terminer un film qui s'appelle Refoulement. Mm-hmm. Puis j'ai demandé à Fred Lebrasseur de faire la musique. En fait, je vais essayer de plus faire du son que de la musique, mais ça va être vraiment une belle collaboration avec lui. J'ai vraiment hâte. Ben, écoute, Caroline, on va se laisser avec une dernière pièce qui est laquelle déjà? Est-ce qu'on est rendu à œuf, Gaëtan? Oui, tout à fait. Alors, on va envoyer œuf. Œuf numéro 9. Œuf de œuf. Pièce numéro 9. C'est après. Tu sais, tu l'avais pas vu, celle-là. C'est la numéro 9, c'est la. En passant, tes titres sont bilingues, ton disque est bilingue. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Ben, c'est l'aspect diffusion, parce que justement, je fais du cinéma d'animation, j'envoie mes films. Partout où tu envoies tes films, c'est toujours en anglais. Mm-hmm. Donc, ben, c'est la même chose pour cette publication-là. Je veux qu'elle voyage, qu'elle voit un peu du pays, ou même à travers des festivals. Donc, c'est la raison principale. Ben, écoute, Caroline, on va faire plaisir aux auditeurs. Hein? On a une copie de ton disque qui comprend toutes les pièces, incluant cette espèce de pièce dont on n'a pas parlé, qui est la numéro 14, qui s'appelle le Ça de date, et qui est une expérience auditive assez particulière et qu'il faut, on ne peut pas en parler en onde parce qu'il faut la vivre soi-même. Donc, on a un exemplaire du CD de Caroline à faire tirer. Et donc, c'est la première personne qui nous appelle au 640-1586 à CKRL. Et c'est elle qui va se procurer, c'est elle ou lui, espérons, peu importe le genre, qui va se procurer donc ce disque-là de toi, sur laquelle il y a évidemment, bien sûr, les pièces dont on a parlé, mais il y a 13 autres pièces. Alors, 640-1586 CKRL. Et on envoie la dernière pièce qui s'intitule « Œuf ».